in a lonely nest. Oh, lonesome. Que je ne sois plus rien ici-bas. Comprime-moi. Que je ne sois plus rien ici-bas. Lonesome in a lonely nest. Je ne sens plus rien ici bas. Je ne sens plus rien ici bas. Que je ne sois plus rien ici bas, oh, comprenez-moi. Que je ne sois plus rien ici bas, oh, comprenez-moi. Que je ne sois plus rien ici bas, oh, comprenez-moi. Que je ne sois plus rien ici bas, oh, comprenez-moi. Que je ne sois plus rien ici bas, oh, comprenez-moi. Je ne sais plus rien ici bas. In the lonely nest, oh, in the lonely nest.